journée. Toute la journée. Espace. L'équipe d'Espace vous souhaite un joyeux Noël. Et oui, le Père Noël passera lundi soir dans les maisons et en ouvrira les cadeaux mardi matin. Ah, que de bonheur, j'ai hâte de voir ce qu'il va m'apporter. Voici Mariah Carey, All I Want For Christmas, pour fêter ça sur Espace. Joyeuses fêtes. All I want for Christmas, there is just one thing.

Bonsoir à tous. Les derniers chiffres de l'acte 6 de la mobilisation des Gilets jaunes. 23 800 manifestants partout en France, selon le ministère de l'Intérieur. 2000 personnes à Paris, selon la préfecture de police. 109 personnes ont été interpellées à Paris, parmi elles 7 placées en garde à vue, dont Éric Drouet, figure majeure du mouvement. Et puis un nouveau décès en deuil, le mouvement des Gilets jaunes. Cette nuit, un automobiliste est mort à proximité d'un point de rassemblement à Perpignan. La victime de 36 ans a percuté un camion arrêté par les manifestants. C'est le 10e mort depuis le début de la contestation le 17 novembre dernier. L'enquête sur l'attentat de Strasbourg et une vidéo d'allégeance à Daesh retrouvée sur une clé USB du tueur. La revendication de Daesh avait dans un premier temps été qualifiée d'opportuniste par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le 1er décembre dernier, un braqueur multirécidiviste avait ouvert le feu sur le marché de Noël de Strasbourg, tuant 5 personnes et en blessant 11 autres. Dans le Nord, 6 personnes mises en examen pour torture et barbarie sur un bébé de 2 ans. L'enfant a été la victime de violences et vices durant 2 soirées. Le parquet de Douai l'a annoncé hier après-midi. 6 personnes âgées de 22 à 37 ans ont été mises en examen pour des faits de torture et barbarie. Depuis mardi, le petit Yanis est hospitalisé dans un état grave et a été placé dans un coma artificiel. Shutdown partiel aux États-Unis. Donald Trump incapable d'obtenir les 5 milliards de dollars pour commencer la construction du mur sur la frontière avec le Mexique a contribué de manière décisive à ce gel d'une partie du gouvernement fédéral. Résultat, un quart des fonctionnaires fédéraux, soit 420 000, devront travailler sans recevoir de salaire jusqu'à la conclusion d'un accord. D'autres sont désormais en congé sans solde. Et puis du sport avec du football. 9 affiches à suivre à partir de 21h pour le compte de cette 19e journée de Ligue 1. Angers-Marseille, Monaco-Guingamp, Montpellier-Lyon, Paris-Nantes, Strasbourg-Nice, Stade de Reims-Caen, Saint-Étienne-Dijon, Lille-Toulouse et Rennes-Nîmes. Sur la plus normande des radios. Dorian. C'est reparti pour une deuxième heure de l'Espace Top 20, les 11 premiers du classement. Espace, plus de sons, plus de tubes. Top 20 Espace. Samedi 18h, le rendez-vous incontournable sur Espace. Eh oui, le rendez-vous incontournable et ça repart maintenant avec le numéro 11 qui va débarquer dans quelques secondes. Oui, oui, oui, c'est Lady Gaga Bradley Cooper avec Shallow comme la semaine dernière. Donc, globalement, cette semaine, un classement qui ne bouge pas énormément. Ça fait du bien de temps en temps. Et puis, au niveau des événements, rendez-vous jusqu'au 31 décembre du côté de Beauvais pour le marché de Noël. Et en parlant du 31, grande soirée du côté d'Évreux avec le comité des fêtes. Allez, voici le numéro 11 maintenant, Lady Gaga, Shallow. Espace, top 20. Le top 20, numéro 11. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. Times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? So hardcore, I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. I'm off the deep end.

Écoute. Écoute. C'est nouveau. C'est nouveau. Et ces nouveaux messages 0 950 35 50 50, voici Romy Me Gusta en nouveauté hors classement. Si tu rentres dans ma tête, tu vas pas assumer. J'ai les idées perchées, les idées noires. J'suis parano dans l'âme, j'sais pas m'arrêter. Cherche des embrouilles jusqu'à fatiguer. Si t'as pas les épaules, faut pas te lancer. Qu'est-ce que tu comprends pas? Que je négocie pas. Papi, ami, me gusta. Ami, me gusta. Papi, ami, me gusta. Ami, me gusta. Gentil garçon, je risque de te faire du tort. J'veux un nègre qui me tienne tête comme un combi. Sinon, j'vais trop flamber. J'veux un bandido qui me dit mi amor. Casse pas la tête avec des phrases qui m'endorment. J'veux un bad boy qui sache comment me manœuvrer. Sinon, j'vais trop flamber. On voit des choses et fais-moi rêver. Parle-moi français, parle pas thaïlandais. Si je coupe la wifi, t'as tout gagné. Je te donne et je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. La plus normande des radios. Espace en mode souvenir. Bon week-end et rendez-vous jusqu'au 6 janvier à Rouen pour l'opération Rouen-Givré. Voici FR David Words sur Espace avant de découvrir les 5 premiers du classement. I love you, honey.

arrivé cette semaine dans la prog espace et c'est déjà numéro 3 dans le top 20. Marshmallow Bastille à Pilleur, toujours dans les deux régions et également du côté de Gournay-en-Bray où j'embrasse le comité des fêtes car ils ont réalisé le week-end dernier un énorme marché de Noël. On était tous contents. Allez, numéro 2, voici Kaigo Sandro Cavazza à Pénor. Espace. Top 20. Numéro 2. We don't wanna believe it, that it's all gone. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know. Kept on trying it. And it's time that we see it. The fire's dying out. Can't believe that I see this. We're out of chances now. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go and I hope you be happy now. Just held on, but it's really crazy how love could fade so fast. We said forever, but now we're in the past. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go and I hope you be happy now. Le classement officiel des 20 titres les plus joués sur Espace. Et c'est presque fini puisqu'il nous reste un seul et unique titre à découvrir, le numéro 1 de la semaine. Et on fait suspense ou pas? Non, pas de suspense, on est d'accord. Donc, c'est le même que la semaine dernière, mais en même temps, il est nouveau dans la programmation, donc on va le laisser un petit peu. Boosty Forever Young, une énorme reprise du tube original d'Alphaville, et Boosty est exceptionnel là-dedans. Je vous rappelle que jusqu'à lundi, vous avez rendez-vous avec Lucial des Andelys, aux Andelys évidemment, pour un Noël magique. Vous avez plein de cadeaux qui vous seront offerts par tous les commerçants. N'hésitez pas à vous y rendre, c'est toujours l'occasion de dénicher 2-3 petits trucs. Allez, numéro 1 maintenant, passez une belle soirée. Espace Top 20. Top 20. Numéro 1. Je me sens libre. moi je l'ai fou, je le suis. On traîne dans la ville, on se racontant nos vies. S'imaginant riche, main dans nos poches vides. On rêve le jour et on vit la nuit. Hey. Let us die young, don't let us sleep forever. We don't have the power, but we never say never. Standing in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Qualité avant quantité, une vie sans galère c'est compliqué. On est identique, c'est notre identité. Notre âme est seule dans une immensité. Je ne comprends pas, mais je ne me contente pas de ce que je vois. Yeah. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever and ever? Laisse-moi te parler de ma vie en dents de scie. Je n'ai différence, c'est pas la mort à la vie. Sentir le bonheur, ça n'a pas de prix. Yeah. Donc laisse-nous ici, laisse-nous vivre. On ne veut plus perdre de temps, ouais. Faire les choses, ouais, comme on le sent. Je me sens libre, jeune et fou, je le suis. On traîne dans la vie, on se raconte en nos vies. S'imaginant riche, main dans nos poches vides. On rêve le jour et on vit la nuit. Yeah. Et on ne veut plus perdre de temps. Non, non, non, faire les choses sans permission. Comme on le sent, on ne veut plus perdre de temps. Non, non, non, ça passe vite. Et pourtant, forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever? Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le samedi 22 décembre. Ce soir sur TF1, comme chaque année au moment de Noël, on se tape les 12 coups de Noël. C'est une émission familiale, calmez-vous les garçons, ça n'a rien de cochon. Alors d'un côté vous avez des people, hein, Big Flo et Oli, Chantal Latsou, Jeff Panaclock qui vont jouer contre les 4 plus grands candidats de l'année, à savoir Christian, Xavier, Julien et Éloi. Et le but évidemment est de récolter un max d'argent pour des associations. France 2 prodige la demi-finale, alors Marianne James n'est plus dans cette émission puisque qu'elle a rejoint M6, pour la France un incroyable talent. C'est Daphné Burki qui prend sa place, c'est différent, mais je ne juge pas. 23h, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs, on n'est pas couché. J'ai encore essayé de regarder, hein, mais Consigny me sort par les yeux. J'en peux plus, dès qu'il ouvre la bouche, j'ai envie de l'insulter et de lui dire de la fermer. Même le ton de sa voix me tape sur les nerfs. France 3, Les Fantômes du Havre, un téléfilm à rien à voir avec Alphonse Brown. La puissance du port du Havre. Canal, un match de Ligue 1, 19e journée, PSG Nantes, et à 22h55, jour de foot. Arte, Monument Sacré, un documentaire où l'on parle des églises, la quête de la lumière. M6, La Reine des Neiges, libérée, délivrée. Non, j'arrête tout de suite parce que ça, c'est le genre de truc qui peut te rendre dingue. On a souffert, nous les parents. Le meilleur de la TNT, France 5, Échappée Belle. Ce soir, ils partent en week-end à Saint-Pétersbourg. C8, Le Grand Bêtisier des Animaux toute la soirée. Inédit en première partie de soirée, des rediffs en seconde. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure. Et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Ça se passe uniquement sur Espace. Écoutez aujourd'hui ce qu'il s'est passé hier. Espace. Et voilà, c'est terminé pour l'Espace Top 20 de cette semaine. Quelle tristesse, mais pas de panique. On va se retrouver dès samedi prochain, 18h-20h, pour un nouveau classement. Moi, je vous embrasse. On se retrouve aussi toute la semaine, 19h-21h, et notamment vendredi, pour l'Open Show. D'ici là, je vous souhaite un joyeux Noël et de belles fêtes. Ciao. Par moi, je veux. please.